Comment se fait-il que ceux qui veillent au destin de la planète laissent les hommes la détruire par l'agriculture scientifique moderne et par l'emploi de poisons, alors que le devoir est de la cultiver? Voici comment on disait au tout début, que l'homme est doué d'une volonté libre. Ce n'est pas un automate qui doit lui-même atteindre son propre destin. Ça peut y prendre plusieurs incarnations, mais s'il le fait en suivant les conseils que lui ont donné le directeur d'en haut, les amis d'ailleurs, il ira plus vite, il atteindra son but dans une seule existence. Alors normalement, ça lui entendra plusieurs vitres. Mais l'homme étant doué d'une volonté libre, il a le droit de se tromper et d'apprendre par ses erreurs. Mais à travers tous ces bévues, tout ce fait, il y a toujours quelque chose qui prédomine. Il n'y a plus de bien dans le monde qu'il y a de mal, en dépit des opinions contraires. Le bien prédominera toujours, parce qu'il y aura toujours du soleil, malgré les ténèbres venues. C'est quoi le prix des erreurs? Le prix des erreurs, c'est la correction de nos faux jugements. C'est l'éducation. On apprend aussi bien par nos erreurs que par nos choses correctement agencées. L'erreur, c'est apprendre durement l'épreuve de la vie et de la vie. On dit le plus probable, c'est une main d'erreur, erreur humaine, hein, ça veut dire. Mais l'homme apprend par les erreurs. La première erreur, c'était celle de la race adamique, hein, qui ont voulu s'assimiler aux espèces inférieures. C'était une grave erreur, surtout comment ça peut en sortir. Mais il n'y a pas comme cette erreur-là, il sera encore une non-entité, il fera partie de l'homme universel, mais il n'y aura pas d'individu. Alors l'erreur de l'homme, il a fait réaliser son ego véritable. Quand il a mis en contraste avec l'ego animal, hein? Donc, c'est une erreur et c'est pas une erreur. C'est une erreur de jugement. Une erreur de jugement. Un enfant peut commettre une erreur de jugement, mais quand il est commis une fois, il ne m'a plus pas dit, on m'avait dit que t'as chaud, là, je sais. Il a tout commis une erreur. Bon. Alors, reste on apprend. On apprend par nos erreurs. S'il reste une main, c'est encore? Oui, oui, attends. Alors, le corps sec, mon Dieu, hein. Ouais. Des fois, le corps sec, lui, le corps apprend, oui, hein? Alors que l'esprit ne veut pas toujours saisir la véracité des choses. Mais si on y fait partie du corps, ben, il apprend. Hein? Alors l'homme, c'est exactement ce que ça. Il a brisé son corps. Hein? Il a rompu son organisme. Il a détruit son double système, hein? Androgyne. Alors son erreur, c'est de le réparer. Peut-être la rétrécation de son erreur, c'est de le réparer maintenant. Ça va prendre encore quelques générations. Quelques décennies, peut-être quelques siècles. Savoir avec son corps. C'est la véritable connaissance. Oui, parce que l'être-té est à travers tout notre corps. On pense par notre cerveau, d'accord, mais le corps tout entier est un être pensant. C'est un être pensant. Mais si l'erreur des erreurs, c'est l'ignorance. Oui, on peut se le faire tout à l'heure. Ouais. C'est pas l'ignorance. Le contraire de penser, le contraire de l'illumination, de la science. C'est ça, donc, de la connaissance. La connaissance, précisément, oui. Mais l'ignorance qui engendre la souffrance est pour la cinquième race. Oui, mais il faut que ça l'aille. C'est un symbole qui nous dit que la race est entière, la planète est entière, souffre des astres de l'enfantement. Mais l'homme est un être en gestation, encore en gestation, il est à peine né, il est encore dans l'état embryonnaire. Alors, il subit cette douleur de l'enfantement. Aussi bien la planète que l'homme lui-même, aussi bien l'embryon que la matrice. Alors, ces erreurs-là mènent à une connaissance totale, à la fin du plérum. C'est le cordon ombilical dont vous frappez. Oui, pas trop tôt. Oui, pas trop tôt. Pas trop tôt. Pas trop tôt, mais on doit couper. Ah oui, oh, forcément, ben oui. Autrement, on n'a pas de bien dépendance, hein. C'est ça? Oui. Bon. Le premier cordon ombilical qu'on coupe, c'est lorsque l'enfant sort du ventre de la mère. Il y en a un autre aussi, qui est prenant la tête aussi. Ça, c'est pour atteindre la deuxième naissance. On l'appelle le cordon d'or, le fil d'argent. Oui. Ceux qui ont suivi la deuxième naissance, ils ont vu que l'extension de ce fil d'argent qui partait du front jusqu'à l'arrière du. De la tête dans un corps spirituel, on dit qu'il va faire une coupure, hein? Oui. Oui. Oui, il y a plusieurs qui ont subi ça. Les extériorisations trop prolongées, par exemple, alors le fil est devenu trop épuré, alors il a coupé ça. Dernièrement, on entend parler de Stanislaw Vygotsky. Qu'est-ce qu'il dit que cette chose-là, l'extériorisation trop longue, alors il est porté au venir. Les extériorisations, les extensions de conscience se font par le biais du cordon ombilical, mais du cordon d'argent, du fil d'argent dont nous parle Salomon quand il est en souvient. Ouais, fil d'argent. Alors, la deuxième naissance est semblable à la première naissance, seulement le corps est plus subtil. Ouais. La première naissance est grossière. Ouais. La deuxième est plus subtile. Mais c'est le même processus, exactement. La préparation de la deuxième naissance, c'est fait encore partie de la souffrance. Oui. Mais quelqu'un qui renaît pour la deuxième fois, il n'apprend plus par la souffrance. Son non, expérience n'est plus la souffrance. C'est déjà ce que c'est. Ah, exactement. Oui, en Saint-Paul, par exemple, il donne toutes les possibilités qu'il a là, et tout le monde je meurs consciemment. Quotidiennement, hein. On va le retrouver tantôt parce qu'il y avait un passage là. Là, je suis distrait un peu. Je voulais attirer l'attention de Mariette, Mireille, sur ton beau couloir. Hein? Ça va aller dans tout le Québec. Mais t'as vu que c'était bien en violet, en mauve aujourd'hui, tu me ça? Ben oui. Hein? C'est une belle concession que t'as fait. Je peux venir ici, mon frère. La quoi? Non, non, il faut pas. Il faut pas que ça rentre sa cassette, là. Est-ce que les hommes qui habitent l'intérieur de la Terre ont la même apparence physique que nous? Oui, c'est marrant qu'on les voit comme des hommes de lumière, tu sais, ils sont lumineux. Et diaphanes, on voit à travers eux. Tu les vois passer à travers le mur, par exemple, comme par exemple, si le mur était fait en verre dépoli, hein. En verre épais, mais dépoli. Alors, tu vois un gros œuf de lumière, et à travers ce œuf de lumière-là, tu vois une physionomie quelconque, mais une physionomie lumineuse, hein. Bon, alors, ce sont des êtres lumineux, des êtres de lumière. Ce que l'on est tous, mais à notre insu. Et dès qu'on a dépassé les restrictions d'un corps, on se voit comme un gros œuf de lumière. Un œuf qui dépasse plusieurs pouces, plusieurs pieds parfois, selon notre degré d'énergie. Alors les gens à l'intérieur de la Terre sont des êtres de lumière. Et je me le répète, nous sommes tous des êtres de lumière, mais nous, notre lumière est emprisonnée dans une carcasse, dans une serpente. Les esprits qu'on voit, oui. Ce sont des êtres de lumière. Oui, effectivement. Mais ce sont des êtres de quelle lumière? Il n'y a qu'une lumière. La lumière militante, la lumière du monde. Mais comment ça se fait qu'on se fait tant scorier par des esprits, par certaines formes d'esprit? C'est parce qu'on n'est pas judicieux. On n'est pas judicieux, on prend tout pour le cash, pour en prendre le temps de réfléchir. Peut-être, non. Non, on n'est pas judicieux. Les esprits nous envahissent, hein? Oui. Alors on se laisse envahir par toutes sortes d'entités, plus ou moins bienfaisantes. Alors, on peut faire ça des esprits, des êtres désincarnés qui peuvent faire des esprits, mais les véritables êtres de lumière ne sont pas nocifs. Et quand on nous influence, quand ils pénètrent dans notre aura, on sait qu'ils sont bienfaisants. On le sent, ça, intuitivement. Hein? On s'en réhausse, on oblige et on bénisse. Alors les esprits, ils sont même dans un endroit où il y a une influence nauséabonde. Ben, c'est un esprit matérialisé, si tu veux. Mais on inquiète ça, ça me convient pas, ça me déplaît. C'est contrairement à nature, on les évite, hein. Alors, les esprits peuvent être judicieux. Même la magie cherche à déterminer la nature des esprits. Hein. Vous les évitez, non pas parce qu'ils sont mal, non, parce mais qu'ils parce qu'ils sont contre la nature, sont contre la nature. Oui, c'est tout. Moi aussi, je suppose. Parce que cette idée s'est intégrée à ce cadre-là. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le peuple de l'Agartha? Quelle est son attitude face à nous? L'attitude, M. Cobb, la bonté. La bonté. Ce sont des êtres supérieurs qui nous considèrent comme des enfants gâtés, hein, depuis le début de notre façon du plan matériel. Alors, ils attendent que l'on évolue pour pas envahir, mais visiter la planète et nous faire subir leur influence maintenant. Il y en a déjà qui le font. Et vers la fin du siècle, comme ça se présage depuis quelques temps, il y en aura une très grande exode, peut-être plusieurs milliers qui vont apparaître dans le sud de Californie. Ils vont se repartir à travers l'Amérique du Sud, le Nouveau Monde, si tu veux. Ou l'Amérique centrale. Et là, on verra qu'il y avait une race qui est sous-jacente, qui est supérieure à nous, qui nous a précédés, et qui va pouvoir nous inclure aussi. Ça va être le grand événement de la fin du siècle, hein. L'invasion de ces êtres supérieurs-là, qui vont arriver inopinément comme ça parmi nous, si on les reconnaît pas par leur supériorité naturelle. Le mode de vie politique. De ces gens-là. Politique. Ah, c'est une théocratie. C'est une théocratie. Il n'y a rien qu'une source de gouvernement. C'est le gouvernement solaire. Hein? C'est la vie christique, pour moi dire. C'est la vie christique. Alors, il n'y a rien qu'un gouvernement, il n'y a pas d'anarchie dans ça. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de séparatisme, mais rien dans ça. C'est la synarchie de Saint-Pétain. La synarchie, c'est le terme exactement qui est consacré. La synarchie. Ça, c'est le gouvernement total, par un être suprême, qui est l'ambassadeur de Dieu Père. Et tout ça. Ça, c'est la synarchie. ceinture d'Albert et bien d'autres avant lui en offert. Dans la synarchie, les gens font ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire, oui. Il y a juste toujours pour le bien commun. Pour le bien de la totalité. C'est très juste pour le bien commun. Pour le bien commun, oui. Le symbole qu'on connaît plus au-dessus de la terre de la synarchie, c'est le mode de fonctionnement des abeilles. Exactement. Vois-tu, c'est une synarchie, ce plan solaire. Un mode restreint aux insectes, mais c'est une synarchie. Les fourmis exigent le même mode de synarchie également. Alors, quand la race humaine, sans qu'elle soit totalement enrégimentée comme une espèce, parce qu'elle sera toujours individualisée, parce que les égaux, une fois qu'ils sont nés, continuent à se développer. Alors, il y aura une synarchie, mais ce sera tout pour un, puis un pour tout. Comme on a, comme des années, bien le cas. Alors, la synarchie, c'est la seule forme de gouvernement qui est viable pour le bien de la race. Ouais. Tous pour le même but. Ouais. Tous pour le même but, mais pas tous au même pied d'égalité. Pas nécessairement. Mais l'égalité, si tu t'élèves assez haut, t'as ce niveau ici. Monte assez haut dans l'atmosphère, que tu vois tous les êtres humains, que ce soit des rois ou des manants, ils sont tous portés contre des insectes, c'est tourné. L'égalité est sur le plan de mérite, quand pas sur le plan de facilité. Pouvez-vous nous parler davantage de la psychographie? Ah, voici, oui. Tout à l'heure, j'en ai parlé à bâton rompu. Moi, je voudrais être plus précis un peu. Mon intention était de vous faire réaliser que tout ce qui est matériel devait nécessairement être spirituel. C'est-à-dire tout ce qui est grossier, tangible, palpable, fallait que ça existe d'abord comme d'une image mentale quelconque. Et pour illustrer ça, je décrivais un exercice que l'on faisait à Jacksonville, en Floride, il y a fait 50 ans, consistait à prendre du papier glacé, à dessiner des symboles quelconques. Alors, c'était matériel, ça c'était en noir sur le papier blanc. Et quand on s'était bien imprégné l'iris, le cerveau, de cette image-là, contrastée, de blanc et noir, c'est-à-dire une qui rétifie la lumière, puis l'autre l'empêche de traverser, on se ferme les yeux, et on la voyait se reproduire dans notre cerveau, véritablement. Si maintenant, au lieu de la projeter simplement dans notre champ psychologique, notre champ écran psychique, on la projetait sur un mur, on la voyait sur le mur. On la voyait véritablement sur le mur. Il y en a plusieurs qui ont fait cette expérience-là. Bon, c'est une expérience semblable à de la photographie, mais seulement sur un plan plus subtil un peu. Si maintenant, au lieu de la projeter sur le mur, simplement dans un nuage, vous la projetez sur une plaque photographique, alors ce fantasme-là qui est maintenant dans votre cerveau, parce que vous allez voir détruit le premier graphique que j'avais dessiné, vous la projetez sur ça, elle va se reproduire, elle va affecter le nitrate d'argent qui est sur le plaque photographique. Et elle va modifier, mobiliser les cellules, les particules de nitrate d'argent. À tel point que ce film-là, je vais pouvoir le prendre et en imprimer d'autres. Alors, passant d'une image physique, l'ayant converti en une image psychique ou mentale, vous l'avez reproduit de la matière encore. Vous avez pensé plus particulièrement. Ça vient dire qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'esprit et la matière, entre le subtil et le grossier. Les seules lignes de démarcation sont les cheminements à travers lesquels une pensée peut passer pour devenir une actualité. Tout ce qui existe dans l'univers est le résultat d'une pensée. Après ça, cette pensée-là a passé par le mode d'un destin, d'un graphique, ensuite ça, d'une maquette, quelque chose comme ça, ou d'un écrit, mais ça a commencé par une pensée très subtile. Et le but de cette démonstration-là, que tout le monde pourra faire facilement, en prenant du papier dense et une ampoule assez forte pour entretenir votre iris, et là, vous direz, là, ce qui est possible de faire sur le papier, je peux le faire avec d'autres choses de plus sérieux que ça. Faire des images mentales, en me basant rien que sur des souvenances que j'ai, quelque chose en existence, mais que je désire. Alors, vous créez une série d'images mentales, imaginaires, d'une chambre bien meublée, telle que vous la désirez. Et quand vous la verrez actuellement dans votre cerveau, à force d'intensité de pensée, de concentration, vous pourrez la projeter, soit sur le mur, ou bien la projeter dans l'espace ambiant, et elle se réalisera. Elle se réalisera. Parce que l'espace est psychographique. L'éther est dynamique et magnétique aussi. Et tout ce que l'on projette mentalement, soit avec l'aide d'un destin préexistant, eh bien, sans aide d'un destin, on peut le faire. Un artiste n'a pas besoin de copier une autre image. Il la conçoit, son image. Et en l'ayant construit, il dessine sur sa toile. Mais son première image, c'est sa conception. son idée qu'il y avait de la fausse. Il a donc passé par une image et de la dessiner. En ce cas, ça peut être un sculpteur, tout ce qui vient. C'est toujours la même chose. Alors, on peut visualiser ou précipiter des choses matérielles en procédant de la même façon. En créer des images mentales ou une série d'images mentales ayant fait une condition désirable, une situation, aussi bien sociale que matérielle, et la faire se réaliser dans notre ambiance, dans notre environnement, ultimement. Ça, c'est le processus de création, le processus de visualisation, le processus de précipitation. Accélérer l'avènement d'une situation qui est désirable dans notre vie. Ça consiste à bien visualiser, bien voir. C'est le même processus que projeter des images mentales sur un écran ou des images pelliculaires sur un écran. Le même processus. Et l'éther ambiant a la même fonction que l'espace dans le théâtre. Il véhicule les dessins d'images pelliculaires ou des diapositives sur l'écran. Et ce que vous projetez va se réaliser parce que vous le projetez dans un espace spirituel qui va se réaliser tôt ou tard, selon l'importance du schéma que vous définissez. Et ça, c'est le processus de visualisation, de précipitation. Agencez votre vie de manière exacte, exactement en accord avec ce que vous désirez, les conditions que vous désirez. Et l'exercice que je vous demande, de préciser des dessins, faire des dessins comme ça, c'est pour faire réaliser que c'est possible de reproduire une image mentale. Après, j'ai détruit du premier dessin, puis la reproduire en plus de ça sur un pellicule, sur un papier photographique. Ça peut se faire dans un papier photographique, ça peut se faire dans la matière ambiante aussi. Tout est vibration, et quand cette image mentale-là a été conçue, elle vibre. Et la vibration qu'elle produit, elle agit aussi bien dans la matière qu'elle va agir sur la plaque photographique. Ça a commencé au Japon, ça. Puis au Japon, on a fait des choses étonnantes. J'ai tiré mon attention tout à l'heure sur le type aux États-Unis qui tenait des images mentales sur son front, des images pelliculaires sur son front. Il est projeteur. Comment est-ce qu'il procédait? Lui, il faisait venir les journalistes. Oui. Les journalistes mettaient leur caméra devant sa tête. Ah ben oui, il y avait une image mentale dans sa tête. Mais dans ce fond, c'était pas lui qui projetait l'image. Parce que les images qu'il développait, par après sur les pellicules, c'était des images que tu retrouvais dans 3 mois ou 6 mois plus tard dans des journaux. Moi, j'avais vu une fois une photo, c'était un building qui était en train de s'écrouler. Il y a un phénomène d'anticipation en plus du voyage dans l'espace. Exactement. Oui. Très bien. Lui, il projette ça, le photographe capte ça, et après, il redéveloppe. Pour le vrai qu'un building s'écroule, dans les journaux, tu vois cette photo-là. Ça, c'est possible, on va en parler. Moi, j'en ai pas fait l'expérience. Mais j'ai fait l'expérience, par exemple, d'une image de quelconque maintenue sur le front. Alors, cette image-là peut se projeter sur un écran. Ça peut se projeter sur un écran. Soit on fait ça à Jacksonville, en Floride, en 1926, pendant plusieurs soirs dessus. Parce que le cerveau a la propriété de faire des images. Le cerveau, ce n'est pas l'esprit. Il est activé par l'esprit. Alors, la projection mentale, la précipitation ou la visualisation, c'est réel. Mais véritablement, de la matière en mouvement, cette matière en mouvement agence l'esprit, ou l'esprit amené l'attente, de l'espace. C'est un exercice occulte absolument extraordinaire qu'on peut appliquer même à notre mémoire cellulaire. Oui. De réincarnation à réincarnation. Absolument, oui. Si vous avez fait cet exercice que vous dites là, on va dire avec le sphinx, quand vous étiez égyptien dans le temps. Oui. Là, vous revenez des montants. Moi, je veux pas de faire trafiquer paranormal ou paranormal. Maintenant, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup expérimenté dans un certain domaine. Ce que j'ai expérimenté, je le sais. Le reste, j'en ai entendu parler, puis j'en ai eu des résultats. Mais ce que j'ai éprouvé moi-même, c'est faire des images mentales, les projeter sur du papier, sur un film, puis les reproduire. Ces images mentales-là venaient d'une chose que j'avais contemplée. Je pouvais prendre un morceau de papier et écrire « God bless you », Dieu vous bénisse, sur ça. Il y avait un tas de lettres, là. Je regarde ça jusqu'à ce que moi-même soit ébloui. Bon, ensuite de ça, je le projetais sur mon film. Et quand je développais le film, toutes les reproductions de film, c'est ça, God bless you. Bon, c'est pas comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler soi-même. Si au lieu de mettre ça, je marquais, par exemple, pour mettre ça à Ottawa, Station, j'appelais ça Station. C'est Finalovi, là, calling. Alors, je lisais ça. Je l'écrivais d'abord, je lisais ça. Puis je le projetais de Ottawa à Montréal. Il y avait 12 auditeurs, 12 spectateurs à Montréal, des enquêtes à visualisateur. Puis à minuit, je projette un message. C'est ça. Station LOV Corée. Appel de façon là. Très bien. On se trouve marqué gobelet sous. Hein? Je dis, yes, madame, nous, ben, ça se trouve pas que ça n'a pas les poissons. Puis, à ma place, ben, c'est chez ça. Station LOV, je parle un de mots, tout ça. Alors, on procède à ça. À minuit 2 minutes, vous avez une autre image. À minuit 4 minutes, vous avez une autre image. Puis après l'avoir faite, vous faites ce geste-là. Puis, je me souviens juste, puis j'en faisais un autre. Alors, sur 20 ou 30, il y en avait 7 ou 8 qui prenaient, peut-être 50% de même affaire. On a fait ça pendant plus d'un mois. Projeter des images mentales, d'abord bien les visualiser, ensuite ça les projeter en exhalant toute votre énergie. Puis les personnes qui étaient à l'écoute, nos montres ayant été synchronisées, ou en attente, ils voyaient ça soit sur le mur, ou bien dans leur champ visuel. Ça a été fait en 1946, 8 ans, c'est la fin de la guerre. Alors, 30 ou 40 participants, ils ont un peu le corps, et presque tous ont réussi. Les uns ont réussi 100%, dans chacun des cas, des gens très tendus. Alors, après avoir mettre un but une image mentale, c'est un message écrit, ou bien une image quelconque. Alors, je le projetais comme ça, en exhalant toute mon énergie. Mais je me suis aidé pour attendre une couple de minutes pour en faire une autre comme ça. Et vers minuit et demi, ben, une heure, on m'appelait, on me disait, je voici la liste des projections que je suis. Il y en a plusieurs qui prenaient un centre pour ces choses-là. Alors, c'est simplement véhiculer l'énergie mentale, à l'aide de certains fantasmes, des fantasmes éthiques. Alors ça revient à dire que cette énergie mentale a la propriété de créer, de mettre l'espace en mouvement, l'éther en mouvement. Quand l'éther a été mis en mouvement, a été ébranlé, la matière elle-même s'agrège autour de ça et produit des résultats. Et des résultats qu'on pourra venir à dire. De projeter une image mentale d'une chose qui n'existe pas. Très bien, voici que je viens de la voir. Alors, ça c'est la méthode de projeter, de prescrire ou de visualiser. Tout le monde peut le faire, il faut pratiquer beaucoup. Ceux qui ont une mémoire visuelle peuvent le faire facilement. Ceux qui ont une mémoire auditive peuvent projeter des situations pour consulter en des conversations amicales avec des gens qui n'étaient pas des amis, moi, avec lesquels je n'étais pas en bon terme. Alors, ce bonhomme-là, c'est pratiquement mon ennemi, on est toujours en baiser l'un contre l'autre. Alors, vous entretenez une conversation imaginaire avec ce bonhomme-là, il y a beaucoup d'amitié qui se manifeste. Alors, dans très peu de temps, vous verrez ce soi-disant ennemi qui vient, qui s'approche de vous, puis qui sollicite votre bonne volonté. Alors, ça opère sur le plan visuel, aussi bien que sur le plan auditif. Si vous êtes plus capable de former des phrases, la conversation, que de faire des images, alors pratiquez l'audition mentale. En parlant à haute voix, pas nécessairement. Parlez intérieurement. Par exemple, si vous pensez avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vigueur, puis vous verbalisez vos pensées en ma direction, ben, je vais les percevoir. Mais il faut que vous parliez intérieurement. Pas nécessairement que vous fassiez du bruit. Vous parlez, vous dites, allez, c'est ce que je dis là, c'est pas mal de temps pour lui. Attends, attends, minute, je vois, là, bientôt, ça va. Bon, alors, mais si tu dis avec vigueur, quoi, hein, vous êtes capable à l'être. Non. Mais si tu verbalises tes pensées, tu mets d'énergie, ben, fatalement, moi, que je suis audicien, tu vas percevoir ça. Un autre, un qui sont plutôt artistes, sont plutôt visuels, ben, il verra ton visage, hein, il verra ton sourire, ben, quoi, hein. Alors, moi, j'ai la faculté auditive plutôt, hein. Alors, j'entends les gens penser, s'ils parlent toujours avec vigueur et avec précision. Puis s'ils verbalisent leurs pensées, s'ils parlent intérieurement, pas nécessaire de faire de bruit. Alors, si je suis naturellement dans le silence moi-même, hein. Alors là, je dis, oh, bien, c'est un comme moi, je dis, alors, on peut tenter pour lui. Bon, alors, c'est ça. Moi, j'ai la faculté auditive, un autre a la faculté visuelle. Mais que ce soit l'une ou l'autre, on peut s'en servir pour créer des conditions dans notre vie, des conditions sociales plus désirables, ou bien des conditions matérielles, puis en accord avec ce que l'on désire. Il s'agit de visualiser, faire des images mentales, ou des conversations mentales, des situations sociales, mentales, qui vise à plus d'harmonie dans notre vie. Avec une conjoint ou quelque chose que ça voudra. Ouais. Alors, exactement, mais si on prend ce que vous venez de dire, là, oui. Et qu'on travaille avec la lumière présentement, oui. À structurer, on va dire, comme l'âge d'or, oui. Ou la quête du Graal, oui. Évidemment, cela va se réaliser dans le futur. Oh oui. Et quand on va être dans le futur et qu'on va voir la réalité. Parce que dans la représentation, on va savoir que c'est nous qui avons participé à cette réalité-là oui. dans le passé. Justement. Voyez-vous, l'Amérique, c'est une version de nouvelle race, n'est-ce pas, hein? Bon. Alors, c'est les êtres réincarnés, les races préexistantes. Que ce soit les races lémuriennes, la race atlante. Alors, ces gens-là se souviennent de leur vie antécédente. Et les découvertes qu'ils font, et les accomplissements qu'ils font, sont tout au moins la répétition de ce qu'ils ont initié dans le passé. C'est ça qui arrive aux États-Unis depuis plus d'un siècle. Hein? Alors, la nouvelle technologie qui se développe, c'est quelque chose de pensé. On en a des beaux exemples dans ça, dans la cosmologie du renseignement, des choses comme ça. Alors, toutes les découvertes qui se font, c'est des découvertes qui sont retrouvées de nouveau, qui existent en Lémurie et en Atlantide autrefois. Alors, on se souviendra de ça, on dira, oui, j'ai contribué à cet état de cause-là, par ma visualisation. Et la race humaine, tout entière, n'est que la répétition des races qui nous ont préexistées. Alors, si on se souvient du Graal, on va savoir reconnaître le Graal. Oh oui, on va le reconnaître. Parce que le Graal, c'est la planète distancielle. C'est quoi le Graal? Le Gardal, les anciens appliquaient le Gardal. D'abord, je voudrais faire à tout ce qu'on connaît. Ceux qui ont eu le privilège de lire le deuxième volume des Demeures philosophales, vous regardez dans l'index à la fin, au mot Graal, de voir que son canal est très précis. Après l'avoir décrit ce que c'était le Graal, la source de vie, il dit, honni soit tu m'as y penses. Pas ça? Alors, je te laisse à la main de découvrir ce troisième rôle. Ça crée un Ça nous amène à un point que je trouve très important dans le cours. Inclure la fraternité spirituelle dans nos plans, dans nos projections. Oui. Donc, dans nos projections. Dans toutes nos projections, oui, pas penser rien pour toi. Ils seront renforcés par les maîtres qui nous aideront à être plus grands et plus vastes. Oui, justement. Priez pour vous-même, ben, c'est mesquin, hein. Travailler pour vous-même, c'est mesquin aussi. Mais si vous travaillez pour toute une collectivité, dis-moi, j'ai besoin de certaines pièces par semaine. Mais comme il y a plusieurs de mes voisins qui sont en souffrance, vous en faites 1000 par semaine. Alors, vous allez avoir l'occasion d'en faire 1000, puis tout pour contribuer à votre agrandissement. Oui. Priez pour tous. Alors, c'est le bonheur pour vous. Priez pour tous, ça c'est un. Mais priez avec tous. Ah, ben on a qu'à faire le point suivant, le fraternel, c'est tout. On a un tas de fraternité dans le monde, j'en ai fait totalement conscient, que c'est avec des groupes qui sont homogènes, et ensuite ça, qui sont bien intégrés. Alors, il n'y a plus d'énergie libérée par un groupe que par un individu. Exactement. Ouais, si vous faites une revendication et que vous êtes seul, on vous traite comme tel. Si oui. Vous arrivez avec 3 millions de signatures, exactement. On vous traite plus comme tel. Non, non, c'est différent. La vache est partie. Exactement. Oui, c'est la collectivité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir dans toute cette collectivité? C'est d'inclure dans toutes nos pensées, dans notre conscience, toute la race, pas la semaine sanitaire. Nous ne sommes pas une agrégation d'individus. Nous sommes un tout. L'homme, c'est un tout, hein, composé de différents individus. Pas comme le corps humain, c'était des billions de cellules, mais ça forme un corps unique, hein. Alors, la race humaine, c'est un tout. Et si on pense toujours en réalisant qu'on fait partie d'un tout, alors, instinctivement, on se lie à toute la race. On fait partie de l'homme universel. C'est un tout seul. Oui. Oui. Un tout, parce qu'il n'y a rien d'autre chose en dehors du tout. Ouais. Si j'avais un tout, il n'y a rien d'autre chose, c'est juste. Alors, c'est la totalité. Donc, on n'est jamais seul, mais on est non. toujours seul. Oui. On est seul parce que on avait un texte que l'on a fait circuler pas mal. Des hauts sourires, on en revient. Quand Dieu seul en revient, tout l'honneur et la gloire. Mais le monde tout entier, il participe pas. Le monde tout entier, il participe pas. Alors, la race humaine, c'est un tout qui apporte du tout, du grand tout. Hein. Alors, il n'y a pas de division entre le grand tout, l'unique, l'absolu, et la race humaine tout entière. Alors, pensez individuellement, rien pour soi, c'est s'isoler. Hein? Tout se séparer, je ne sais pas séparer, c'est tout le monde, c'est même le gouvernement qui est dans toutes les autres activités. Alors, on s'unifie avec toute la race, et on pense en faveur de toute la race. Pour l'humanité. Oui, eux sont vraiment altruistes, hein. Ils n'ont pas d'ego, ils n'ont plus d'ego. Leur ego, c'est la race humaine tout entière. Alors, ces gens-là ont compris qu'ils ne sont pas des individus indivisibles ou divisibles, isolables. Les gens vont toujours penser en fonction du grand prix, en fonction de toute l'espèce. Les gars de bazar, prenons le maître, le variant, agit pour toute la race humaine. Hein? Il n'arrête pas rien pour la race humaine, il voit le content pour toute la race. Alors, tous les grands avatars ont pensé en fonction du grand tout, c'est-à-dire la race, une unité, une fraternité universelle. C'est ça que l'on vise. Les enseignements théotistiques visent à ça, exactement. Présentement, les grands instructeurs travaillent? Oh, ils travaillent incessamment. Ils travaillent incessamment. Ils sont de plus en plus efficaces. On en est de plus en plus conscients à mesure que l'on se succède le mouvement altruiste et juste à travers le monde. Alors, ils sont très actifs, plus actifs que l'état durant leur vivant, durant leur expression terrestre. Ils sont très actifs. Ils nous entourent, ils nous surveillent, ils nous protègent, ils nous stimulent à agir comme eux, et à devenir comme eux. Ce sont des stars de l'humanité? Oui, des forts, oui. Des forts, oui. Parce qu'ils sont des aides de lumière, alors ils éliminent tout à la ronde, leur environnement. Oui. Bon, les grands illuminés. Comment est-ce que vous rentrez en contact avec eux? D'abord, souvent, en étant toi-même lumineux. Un corps est conscient de l'autre, n'est-ce pas? Hein? Oui. La lumière attire la lumière. Oui. Alors, les êtres de lumière nous émettent leur propre lumière, et surtout s'ils voient qu'il y a un petit lumignon, ben une chandelle quelque part qui lui, ben, ils cherchent à se l'intégrer pour que ça fasse partie une plus grande confiance cosmique. Le but de la civilisation ou de l'évolution, c'est d'atteindre la conscience cosmique, la conscience solaire. Bon. Alors l'humanité, quand l'humanité tout entière aura atteint l'état christique, alors, il n'y aura plus de ténèbres nulle part, ni dans les mentalités individuelles, ni à la surface du globe. Il y aura une chandelle qui rien du tout. Oui. Absolument, oui. Mais cette chandelle-là, la propriété de être magnifique, là, peut mettre une complète action. Est-ce que Adam et Ève seraient les parents de la cinquième race? Je prenais Adam et Ève comme deux individus, un homme et une femme. Je dirais, c'est un peu ardu de faire ça. Mais, on parle d'Adam et Ève comme de la race adamique. Avant cette race adamique, qu'on appelle comme l'homo sapiens, ou l'homme pensant, ou l'homme cogitant, il y avait des races préexistantes. Hein, c'était en dehors du paradis chaud. Alors, les Elohim, les êtres supérieurs, non d'ailleurs, les humains, ont décidé de coloniser la Terre, de l'homoniser, de mettre des êtres supérieurs et de les accoupler avec des femmes à l'intérieur. Ils ont fait une race. Alors, cette race-là est la souche de toute la race humaine, présentement. Et elle aurait commencé à Lémurie, à environ 68 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, il y a 70 000 ans. Alors, de ça, il y a des exodes, des migrations qui sont faites dans toute la planète. Mais à partir de ce moment-là, c'était le commencement, le début de la race actuelle, de la race de l'homo sapiens. C'est l'évolution. L'évolution, oui. L'évolution intérieure, l'évolution de la planète, oui. Parce qu'avant ça, elle avait été occupée, pareil comme bien d'autres ont été occupés par des espèces inférieures. Elle a été détruite périodiquement. Mais l'évolution terrestre a été pénétrée par l'évolution. Oui, mais tout ce qui évolue, il doit d'abord évoluer. On va prendre une pomme, ça a commencé par un cocktail de pomme, n'est-ce pas? Une pomme connaissait tout le pommier en tout sens, en soi. Et que ce soit une noix, n'importe quoi. Alors, en partant d'un début bien humble, il est venu toute une race. Et la race humaine, c'est quelques milliards aujourd'hui, ou billions qu'on pourrait dire, a commencé par ces extraterrestres, et qui sont venus faire une hybridation avec les races supérieures et les femelles inférieures. Et c'est là que la race humaine a commencé. Par la Mésopotamie, on a des résultats à partir de la Mésopotamie, c'est probant, écrit. Alors qu'en Lémurie, on a des documents qu'on trouve dernièrement. Qui nous remontent à cette période-là, c'est en 2000 ans. C'est historiquement prouvé. Comment que les gens ont perdu leur escorte d'anthrogénocide? Voici, je mentionnais que ils étaient à l'état d'adolescence. Puis ils avaient été mis sous la protection d'un jardin expérimental, qu'on appelait l'Éden, n'est-ce pas? Et avant de devenir adultes, ils devaient faire preuve de stabilité. Et ils étaient protégés. On leur avait interdit de se comporter comme les autres espèces inférieures. Les Cro-Magnons, les Néandertals, etc. Les quadrupèdes, les bipèdes hominiens. Alors, ils ont suivi l'exemple des races environnantes et ils ont essayé, ni plus ni moins, avoir accès à des plans supérieurs de vie. Ils étaient trop jeunes. Alors, Ils ont brûlé leur arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce courant nerveux qui maintenant divise en deux, le cérébro-spinal et le grand synthétique. Alors, en puisant une force qui n'est pas capable de supporter l'influx, ils ont brisé leur système nerveux. Ils ont voulu le reconstruire maintenant. Reich en parle, puis toute cette force-là, c'est l'organe. C'est l'énergie de l'homme universel. Alors, l'organe, il ne fallait pas y avoir accès parce que l'homme n'était pas capable d'en subir l'impact, le fait. Alors, c'était leur imprudence de s'être prévalu d'une force dont ils n'étaient pas capables de subir le choc. Alors, le choc a brûlé leur, comme on dit vulgairement, ils ont brûlé leur fuse. Alors, depuis ça, ils doivent construire leur organisme qui a été brisé partout du corps. C'était le costermum. Parce que l'épine dorsale n'était pas, ni dorsale ni abdominale, était totale. Elle remontait jusqu'ici. Et là, l'homme pouvait créer, par son verbe, hein. Il pouvait créer par son verbe. Parce que, le verbe créateur était le riche au larynx, n'est-ce pas? Au larynx, que j'avais connu maintenant. Hein. Alors, ils ont brisé leur arbre de vie, ils ont brisé leur construire. Hein. D'avoir des vertèbres, paraît qu'il y en reste encore une coupe ici. Dans le sternum, et aller jusqu'au coccyx en bas, pour qu'il y ait une construction de génération en génération. Mais ça, vous rejoignez ce qu'on a dit au tout début, que présentement, les enfants naissent comme on connaît, comment ils naissent, oui. Mais que dans le futur, les enfants naîtront que par le verbe, comme par le passé. Exactement, oui, par le verbe, mais tout à l'heure, il y avait un équivoque. Il y avait un équivoque. Le verbe, c'est vocal, hein, maintenant. La physicalité, ce n'est pas nécessairement par le verbe, hein. C'est par l'émanation de soi. Le verbe, c'est un mouvement vibratoire, n'est-ce pas? Alors, l'influx du Saint-Esprit, c'est une vibration. C'est une vibration. Mm-hmm. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit, c'est par le verbe. Alors, elle a bien dit, non, l'île n'est en durée, elle ne croit pas de moi, c'est pas le sein. Mon verbe, qu'est-ce que c'est? Alors, la naissance, ou la vie, n'est pas nécessairement une procréation, c'est simplement une séparité. L'émanation de la vie, c'est par le souffle. Comme l'homme est venu vivant quand le Créateur a quitté l'ancienne Orléans. Alors, la vie, quelle que soit individuelle ou au début de la création, c'est toujours par le verbe, toujours par le souffle. La vie, c'est le souffle. C'est le souffle. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui génère, qui régénère. Qui régénère d'abord et qui régénère. Exactement. Oui. Non pas qu'il procrée. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que respirer, c'est laisser Dieu circuler en nous, c'est permettre à Dieu de circuler en nous. D'abord, on n'a pas de quoi. Il vient juste être pur, qui pénètre en nous. Alors, quand on respire, on le laisse pénétrer en nous. C'est la vie qui pénètre en nous. La vie, c'est Dieu. C'est pas nous qui respirons, c'est lui qui respire à travers nous. C'est la vie qui respire à travers nous. Depuis le moment, la première inception du souffle dans une marine là-dedans, ou la rappelle de Moïse. Alors, le souffle vient d'ailleurs. Ce n'est pas nous qui produisons le souffle. Ce n'est pas l'impôt qui produit le souffle. Ce n'est pas l'homme qui produit son souffle. Mais c'est l'aliment. Il est à le recevoir, l'accueillir et l'entretenir. Alors, le souffle, c'est la circulation de Dieu en nous. C'est alors qu'on peut réfuter. Mais ce que vous dites, c'est juste pour la majorité du monde. Mais c'est des gens qui ont sorti de cette majorité-là. C'est qui ont dit que qui les hommes respirent, moi c'est un homme, il faut que je respire. C'est juste. Mais pas toi. Ben, j'ai pas le choix. Mais il y a des gens qui ont dit, tout le monde respire, moi je suis un homme, mais je respire plus. Puis ils continuent à penser à notre pareil. Ça ne paraît bien. Et il pourra pas penser, il n'a pas du tout. Comme certains fatigues, on va dire, il reste par là. Il y a une surrespiration cutanée. Oui, mais qu'ils sont enfermés dans des cercueils, c'est vrai que, oui. Mais c'est quand il y a une respiration cutanée, dans la première expérience d'extériorisation, vous réalisez que quand le souffle cesse par le poumon, c'est par la peau que vous respirez, hein. Oui. Ben oui, c'est une respiration cutanée. Surtout dans les cas d'anesthésie, par exemple. Moi, c'était ma première, je dirais pas l'initiation, mais la première chose qui m'a ouvert les oreilles. D'ailleurs, on m'avait fait respirer du chloroforme, hein. Alors, j'ai étouffé, ni plus ni moins. Et quand, en étouffant comme ça, j'ai commencé à respirer par le poumon. J'ai aussi, hop, tout placé. Alors, je respirais plus par le poumon, j'ai respiré par la peau. Parce que la peau, c'est un organe respiratoire, il n'y a pas d'erreur, hein. Les portes de la peau sont toutes les voies d'accès à l'air. Ce sont des portes, les pores de la peau sont des portes qui sont fermées à tout le monde. Parce que on les a toujours vues fermées. Mais Bon, c'est on une croit qu'elles chance. sont fermées, mais magnifier la main, puis vous allez voir qu'il y a des trous, c'est pareil comme un écran, un écran, pareil comme un vidéo, c'est pas quelque chose. Mais t'as des gens qui viennent et qui font des efforts d'humanité, qui disent qu'il y a d'autres choses qui existent qu'on a toujours connues. Oui, effectivement. Et ça, ça crée un genre de pollution en apparence, mais ça stimule tout le monde à évoluer. Oui, d'abord, notre évolution n'est pas nécessairement basée sur notre propre expérience. On peut aussi sur l'expérience des autres. Si on est bien que notre propre expérience, ça sera bien restreint. Mais si on s'assoit à ceux qui nous ont procédé, c'est-à-dire des luminaires, des forts, de connaissances et de sagesse, on peut suivre sur les autres. Bon. Ça prend beaucoup de discernement. Pour seulement du discernement, c'est la première chose. Quelqu'un est Oui, parfaitement discernement, scientifique. faut avoir foi, hein. Faut avoir foi en la vie. Parce que la vie est bienfaisante, d'abord, hein. Même la vie, supérieure, la vie des plans supérieurs est bienfaisante. Il y a des influences. Je suis d'accord, hein. Faut savoir faire la distinction entre les esprits. Mais en général, la vie est bienfaisante. Bienveillante. Et il faut supplier. Si on suit vous avec, si vous, totalement, ben, on peut pas faire autrement que de recevoir de la bienfaisance, du grand fixe. Ça peut nature et l'amour, bienfaisant. L'Atlantide et la Lémurie sont-ils pré-adamiques? Oui, oh oui. On peut pas, le géologiste et les anthropologistes sont pas capables de déterminer l'âge de ces continents-là. Donc, on connaît la période de leur ensevelissement, de leur engloutissement. La Lémurie, c'est très précis, puis l'Atlantide aussi, c'est précis. On sait qu'elle a été affaiblie de 3 points, la victoire était au côté d'or. En fait, à part quelle période, au plus de 21 ans, il y a les ensevelissements comme ça. Mais, depuis quand existe-t-il? On peut pas dire ça, je crois pas que aucun document ne donne la date de ces continents-là, la date de l'évêque de ces continents-là. On connaît la date de l'ensemble des plantes. Donc ça change quoi de notre mode de vie, notre aspect, notre vision de ce qui est fait avant nous et notre prévision de ce qui viendra après nous. Chacun d'où l'on vient, on pourra plus facilement déterminer où l'on va. On vient de loin, on s'en va loin. Mais si on se dirige toujours vers le soleil, on sera toujours sur la bonne voie. Parce que ce sont des connaissances qui doivent se perdre. Oh, définitivement, ah oh, oui. Les grandes universités mondiales, les universités, je pense, scolastiques, si on veut parler, les écoles d'initiation, disons, hein, ainsi que les religions, les plus grandes religions, ont toujours reconnu que c'est la chose la plus importante de savoir ce qui est véritablement, en permanence. Alors que les autres choses sont transitoires, hein. La connaissance vient, sans loi, elle disparaît. Mais cette connaissance-là, qui est la tradition, depuis le moins, a toujours existé, elle existera toujours. Parce que ce sont les lois de l'univers qui sont en arrière et immuables. Alors, nos écoles d'initiation, et spécialement l'école théosophique, qui est la plus puissante de tous, la plus sapiente de tous, traite des grandes lois de l'univers. Et là, le monde commence à y avoir accès. Quel est le fait du retard dans un cheminement personnel? On entend ça, atermoyer. C'est un mot qui est juste véritablement dans le terrain. Atermoyer. Atermoyer, oui. Ça, c'est une bonne chose. Remettre au lendemain. On pourra faire le surlendemain. Ça fait bien dormir, ça. Ouais. Ben, quel est le fait du retard? C'est simplement, c'est fini sur place? Au lieu de progresser, pour tourner en rond, je m'en vais quelque part, je m'arrête plus longtemps, s'il y a des fleurs, des choses, mais plus vite, le plus vite, ça ne veut pas dire comment on va. Alors, quand on va quelque part, on y va sur la rente, on va plus vite, comme la peine de vite, plus rapidement. C'est le but des questions de l'initiation, d'accélérer notre cheminement. Il y en a qui vont prendre des vies, d'autres vont faire dans une seule vie. Alors, si on peut atteindre notre but dans une seule vie, c'est préférable. De l'attente que j'avais. Ça revient à ce qu'on disait tantôt pour la respiration. Oui. Si tout le monde dit que faut que ça prenne des millions d'années pour se rendre avec la souffrance et la douleur, etc., pour se rendre à quel point dans l'évolution humaine. Oui. Mais si on n'a pas l'aide d'en haut, si on n'a pas l'aide de la traduction, de l'initiation. L'initiation, c'est le début, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le but, hein. C'est simplement le. Exactement. On est initié. Un unifié veut dire celui qu'on a mis sur la voie. Sur le sentier. Sur le oui. Mais il faut qu'il poursuive tout son sentier. Ce n'est pas le bout. Ce n'est pas le bout, c'est le début. Ce n'est pas le but, ouais. Alors, l'initiation, c'est le début du cheminement. C'est le premier pas à faire, mais tout le monde. C'est ça. Alors, quand on fait un premier pas, ben, on peut bien faire tout à l'heure. En arrière, pour sentir. Alors, nous, une question, on n'est pas réalisé que le soleil est devant nous. Et on oublie le bon, parce qu'il y a derrière, les ténèbres dans l'arrière. Si c'est une section solaire. Oh, solaire, c'est ça, oui, c'est solaire. Mais on est beaucoup plus influencé par une situation d'hiver. Ben oui, la lune, c'est l'humativité, c'est pas la sentimentalité. La lune a offert un mode de matière qui n'est pas encore celui du feu. Puis des tout qui est dans l'univers, hein, dans la vie organique ou inorganique. Alors, ton peinture, c'est pas que ce soit les marées, que ce soit la tête dans les arbres, que ce soit les dents du châle, c'est nous. Alors, c'est la Lune qui est responsable de toute cette matière-là qui n'est pas encore solidifiée, qui n'est pas encore solidifiée. Alors, l'initiation lunaire, c'est simplement un premier pas, mais on va toujours sur le même palier. Donc, quand le soleil entre en jeu, ben là, la nature se solidifie et se solidifie. Et le corps de diamant, le corps de lumière, le corps solaire existe. C'est la première part du temps? La première part du temps, justement. C'est la part centrale. On dit que c'est la porte de magie, l'autre dit que c'est la porte d'astrologie. Ou bien, dit c'est la porte de sexualité. Oui, mais la sexualité, oui, on a été sectionnés, hein. On n'a pas demandé ça, mais notre action, c'est ça qui prend dans l'eau. Bon, très bien. Bon, alors là, pour se rebondir, avant ça, il n'y avait pas de sexe. Le sexe, c'est une division, mais quand c'est une chose de complète, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de sectionnement non plus. Alors la sexualité, c'est simplement la division de nous-mêmes, des deux aspects de notre nature. Le positif et le négatif, les deux pôles sont indispensables à une force complète. Alors, l'androgénéité consiste à rétablir l'harmonie, la totalité de notre être. C'est avoir l'élément positif aussi bien que l'élément passif. Alors, ces deux forces-là forment un tout éternel, indivisible. Alors, si vous êtes sexualisé, vous sectionnez, vous êtes déjà divisé, hein, divisé contre vous-même. Parce qu'il y a une partie, vous êtes toujours en charge. Des fois, vous n'avez pas de vous. Alors, c'est autre chose. Exactement, ça se prenait quand même une division pour que le mot sexe puisse se lire dans les deux sens. Si vous avez un sexe, ouais, ça se lit dans un sens. Mais si vous avez deux sexes, avec un, donc ça devient avec deux S. Comment tu l'organises ça? Comment tu fais ça? On fait un graphique. Hein? C'est comme ça que tu fais ça. Donc, S-E-X. Oui, 20 X. Non. Oui. S-E-X? Oui. Un. Hein? Bon, ça c'est un sexe. Oui. Et si vous avez deux sexes, que vous le disiez de droite à gauche et de gauche à droite, ça rien même. C'est bien raison, mon gars. C'est bien raison, c'est toute beauté de voir ça. Alors, vive! Vive! On va projeter ça. Avec votre conne de temps. Il y a d'autres qui sont mis sur terre. Est-ce qu'il y en a pas parmi vous qui voudraient tenter cet exercice-là de projeter des images que vous aurez tracées sur le papier, assez pour les voir sur le mur, après vous allez fermer les yeux pour faire ce renversement. Si vous réussissez à faire ça, c'est un morceau de papier, vous écrivez texte dessus, par exemple. Bon. Et vous regardez ça, vous voyez, votre texte sur le mur, là. Bon. Alors, le mot, c'est l'autre. C'est plus intéressant, là. On, bon. Alors, c'est toi n'importe quoi. C'est un fantasme. On peut faire un fantasme. Une couleur ou un dessin quelconque. Mais ce fantasme-là devient une réalité dans votre cerveau. Et tellement réel que vous pouvez, après ça, le projeter sur le mur, ou projeter sur une plaque photographique, ou bien se projeter, dans la matière. Tu peux le projeter à travers le sport pour qu'une autre personne à 100 000, tu te reconnais, on m'a projeté le mot love. Bien. Alors, on m'appelle love. J'ai lu love sur le mur. C'est ça que je t'envoyais, mon père. C'est exactement ça que je t'envoyais. C'était incroyable, que là, c'était un 2h10. Ah, et j'y pense à ça. Ça m'arrête à pas mal. Alors, il s'établit un contact comme ça, ce qu'on peut faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas de projeter des contacts, c'est de faire en sorte que l'on puisse réaliser qu'entre notre esprit et la matière, il n'y a pas de ligne de démarcation. Si on peut créer des images mentales au point d'être capable de manipuler, telles que les photographier puis les reproduire, on est capable de les photographier dans l'éther. Et les faire se régler absolument dans notre vie. Dans notre vie. Et des conditions que l'on désire et que l'on les rassemble en étant judicieux. c'était des conditions sociales. Comme je disais, des conversations avec des personnes avec lesquelles on a des choses en très bon accord. Le Seigneur, vraiment, bon, c'est peut-être quand je les demande notre demeure, n'importe quoi. Tout ce que vous concevrez comme ça, vous pourrez le réaliser. La formule que les anciens millénaires s'étaient suscite, désir, plus suscité d'attention, plus concentration, plus suggestion, égale réalisation. Et le maître nazarien nous disait, à ses disciples, quoi que ce soit que vous désiriez, quoi que ce soit, quand vous priez, sans vous concentrer, croyez, vous le recevez, et vous le recevrez, fatalement. Bon. Alors, le mot suggestion équivaut à se croire actuellement en possession de ce que l'on visualise. Pourquoi à un moment on peut dire, ah, je croyais que je l'avais à ce jour-là? Ben, si vous pensez, c'est naturalisé. Ça va se réaliser. C'est pareil comme si vous ouvrez le petit retour de votre caméra, là, le soleil va pénétrer, puis il va la réussir, puis il va se tirer. Alors, c'est la condition indispensable. Croire, vous croire en possession de ce que vous désirez, quoi que ce soit. Et quand vous aurez fait ça, ça va se réaliser. Parce que vous aurez impressionné l'éther, et l'éther le fera se réaliser. Comme en agriculture, si vous prenez une graine de blé, si vous la mettez dans la terre, vous n'allez pas vous casser la tête pour savoir si ça va pousser ou non. Là, vous la mettez dans l'éther. Dans l'éther. C'est un autre grain de blé. C'est un autre grain. L'éther, c'est l'homme de la terre. C'est l'animal mondi, l'homme du monde. Hein, c'est Platon, bien sûr. Alors, cette atmosphère-là, cette grande onde, le mot atmosphère veut dire grande onde, atmosphère, il est dynamique, il est magnétique, il est bienfaisant. C'est la source de toute vie, elle vient du soleil. C'est toute l'énergie solaire qui entoure la Terre, ce qui rend la Terre viable. Alors, cette atmosphère-là, on puise, on épuise, et on se l'approprie pour réaliser dans la vie les conditions que l'on souhaite avoir. Les conditions sociales, les conditions matérielles, tout ce qui existe dans l'univers a commencé par une pensée. Une pensée bien visualisée, bien entretenue, et désirée de quart d'heure. Et finalement, après avoir pensé par le processus de matérialisation, les manipulations de la matière, ça se réalise. Et, tu sais, quelque chose de subtil, la matière ambiante, l'atmosphère, crée les conditions qui sont favorables. Et, sans rien que vos propres actions, qui la font se réaliser, les actions des autres aussi, seront se converger dans votre vie, les choses que vous avez visualisées. Ça demande un exercice, ça demande l'application. Et quand on a réussi la première tentative, on dit, j'avais pensé à ça, il y a une semaine, ça m'arrive comme ça, tout d'un coup. Le Dieu de grâce, oui, grâce. Parce que vous avez initié le mouvement vous-même. Maintenant, l'exercice que je vous ai recommandé, que j'ai décidé une couple de fois, consiste à vous habituer à penser de plus de vigueur, en concentrant votre attention sur le centre pénial et tout. Ça vous aidera à penser de plus de vigueur, avec plus de clarté aussi. Concentrez votre attention sur cet œil ici. Après, vous êtes bien débouché les oreilles. Et en respirant la langue au plafond, afin de respirer de l'énergie bilatérale, l'énergie mâle et femelle. Puis d'un coup, vous dites, je pense en couleur. En couleur. Alors vous dites, non, je pense avec plus de vigueur que j'ai jamais pensé. Je pense comme si je rêvais éveillé. Les idées, les humeurs, si vous visualisez, vous les voyez très fort. Et quand on voit une cause, vous êtes souvent en profession de la cause. On vient beaucoup à la ville, quand on sort. Il y a quelque chose de vrai. Mais si on sent consciemment, ce que l'on pense avec vigueur, on le voit, on le voit. Et quand on voit une chose, on y croit. Et là, ça se réalise. Ça se réalise. À notre insu. Alors, notre devoir, c'est de penser des choses bienfaisantes. Pour nous-mêmes, aussi bien pour les autres. Ça, c'est la loi de structuration. On appelle ça la loi de visualisation et de prospection. Tout le monde le fait, plus ou moins consciemment. Et tout ce qui existe dans l'univers, c'est le résultat de la situation sur toi-là. La loi de visualiser. Ça nous amène à une phrase qui était dans votre cours. La preuve du progrès réside dans l'absence de malheur et dans des opportunités élargies. Oui, la preuve du progrès. Le progrès, c'est aller de l'avant, n'est-ce pas? Si vous allez de l'avant, vous découvrez toujours quelque chose de nouveau, hein? Quelque chose de non perçu préalablement. Alors, vous progressez en introduisant dans votre vie des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est ça le problème. Et ça consiste simplement à visualiser, Alors, quelque chose qui n'existe qu'en puissance, qui n'existe pas encore. Alors, tout ce que l'on désire, il faut d'abord le concevoir, quoi que ce soit. Et en ce cas, le percevoir ou l'apercevoir, en ce cas, le recevoir. Hein? Donc, c'est ça. Alors, ça se progresse, ça se progresse. L'Église catholique a-t-elle déjà accepté dans son discours officiel l'idée de la réincarnation? Jusqu'en 441 quelle année? 340, 340, hein? Quand on a fait le concile de Nicée, on a éliminé certaines croyances et certains dogmes. Mais là, jusqu'au 4e siècle, l'Église croyait puis enseignait la réincarnation. Elle a toujours enseigné la réincarnation. Porphyre, Gamblis, Proclus, tous ces néo-platoniciens ont enseigné la réincarnation. D'ailleurs, c'est une loi universelle. Tout se réincarne dans l'univers. Tout se réincarne. Ouais. Alors, c'est une loi universelle. C'est vous qui croyez que... Oh, j'ai besoin des choses. Vous récolterez ce que vous avez semé. Exactement. C'est la preuve de... Oui. Hein? Dans une seule phrase, il y a des humains. La loi. La loi. Oui, la loi du karma. Hindou. La loi hindou, mais oui. Exactement. Alors, cet enseignement-là est précieux. On lit rapidement, puis on ne voit pas toute la profondeur que ça fonctionne. Mais les actes des apôtres et les quatre évangiles, en réalité, il y en a 27 avant des évangiles, peut-être. Là, on m'a mis plusieurs apocryphes qu'on n'a pas réussi. Mais ils sont précieux, ces évangiles-là. Oui, c'est les 27? 27, les 27. On en a gardé 4, et on a gardé apocryphes. Il y en a 23 apocryphes. Mais ils sont plus précieux. Dernièrement, on a fait circuler un autre évangile, l'évangile de Thomas. On se dit, l'ont déjà lu. Il est précieux. Il est en concordance avec tous les évangiles canoniques que l'on a. Mais au 3e siècle, quand les fabricants de credos, les manipulateurs de credos, ont éliminé tout ce qui n'était pas en accord avec leur propre dogme, on a perdu plusieurs. Mais à mesure que l'on fouille un peu dans les documents, surtout les documents de Mermoth, on retrouve des logias ou des dictats, des évangiles qu'on les appelle musulmans, qui ont trait à l'enseignement de Jésus et des apôtres. C'est précieux ça. Depuis plus de 20 ans qu'on commence à retracer ces vieux évangiles-là, ces anciens évangiles. C'est quand même bizarre parce que dans l'Église, ils ont enlevé tout ce qui était ses maîtres. Oui, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu remettre pour les... Et ce renouveau vient de la mère morte, des manuscrits de la mère morte. Oui, mais si on veut, c'est un mère vivante, hein, oui, c'est un mère vivante. C'est quand même bizarre, hein. Oui, mais les manuscrits de la mère morte dans Qumran, là, puis ça, ils ont découvert des urnes qui contenaient une richesse incroyable. Il y a infiniment plus de richesse, il y a infiniment plus de richesse d'enfouis dans ces urnes-là que toutes les autres urnes dans les... Les actes des apôtres, par exemple, on en a retrouvé encore. Ouais. La mère morte, c'était pas si morte qu'on pense. La mère, dans le fond, la mère morte, c'était celle, c'est la mère merveilleuse. Oui. C'est-à-dire, c'est la mère qui veillait. Ouais, la mère veilleuse, elle veillait sur nous. Ouais. On fait de la cabale. Ouais. Oui, bien, c'est comme ça. Alors, il y a quelques minutes, je crois. Oui. Si vous voulez terminer. Voici, je voudrais vous recommander cet exercice qui a l'air un peu farfelu, mais qui est important. Donc, de réaliser que cette image que vous avez faite vous-même, vous pouvez la projeter sur le mur, hein? Vous pouvez la projeter dans votre champ visuel, ou sinon, la projeter sur une plaque photographique. Autrefois, on avait des films dans des plaques, dans des cordes, hein? On en a plus de ça maintenant. Ou même les photographes photographiques. Alors, vous allez dire, c'est pas mon image que je dessinais, que j'ai projeté. C'est la réflexion que j'en avais dans le cerveau. Alors, quelque chose de mental, dans le cerveau, c'est mental. Alors, ça affectait quelque chose de physique, mon cul. Donc, je dis, pourquoi est-ce que je ne projetterais pas une image mentale dans l'âme universelle, qui elle-même est photogénique? Elle est psychoplastique.